suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Quand la création raconte le sida, une série de Didier Roth-Bettoni réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a un auteur qui devient documentariste, avec ses souvenirs et ses morts. Il y a aussi des images, des films, des textes et des chorégraphies qui constituent la mémoire du sida. Il y a une génération sacrifiée, de la politique, de l'activisme et des mots qu'on n'oubliera pas. T4, Kaposi, Séropo, Cancer Gay, AZT, ACT UP. Mais il y a aussi des archives qui manquent et d'autres qui abondent, de ces journaux intimes rescapés de la Grande Peste qui racontent les métamorphoses du corps et auscultent l'avancée du mal. Alors pour commencer, les personnages. Des auteurs malades, un dramaturge contaminé, de jeunes vieillards, une historienne de l'art qui ausculte les effets secondaires, Rock Hudson, une photographe qui voit son monde disparaître, une metteuse en scène qui rejoue le passé, des malades qui prennent la parole, des danseurs et leur corps fragile en équilibre instable. Ensuite le décor. Une maladie visible, des stigmates, les voix des morts, un présent devenu mémoire, des listes de noms, la peur, l'horreur, la conspiration du silence, du théâtre organique, des photos de radiographie, des pyramides de boîtes de médicaments et des films qui aiment ceux qui les regardent. Aujourd'hui, deuxième épisode, il y a des voix qu'on n'oublie pas. Le processus de détérioration amorcé dans mon sang par le sida se poursuit de jour en jour. Bien avant la certitude de ma maladie, sanctionnée par les analyses, j'ai senti mon sang tout à coup découvert, mis à nu, comme si un vêtement l'avait toujours protégé, sans que j'en aie conscience. Hervé Guibert. Il me fallait vivre désormais avec ce sang dénudé, exposé, à toute heure, dans les transports publics, dans la rue quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux ? Tout le monde vous dit, par exemple, on est fier de vous parce que vous dites vous êtes malade, mais on n'a pas à être fier de soi parce qu'on est malade. Jean-Luc Lagarce. Moi, je vais vous dire, j'ai dit à un moment donné que j'étais malade quand je ne l'étais pas. Je l'ai dit parce que je savais que ça allait arriver, parce que j'étais séropositif. Mais ensuite, je veux dire, il y avait des traces physiques comme ça, qui, j'avais même pas besoin de le dire, ça se voyait. Enfin, oui. Ça me paraissait suffisamment visible pour ne pas en plus dire oh non, en ce moment, j'ai une mauvaise grippe. Voilà. On le vit comme ça, mais bon, c'est aussi une adaptation qui est très bouleversante. C'est un peu quand même avoir un corps de vieillard dans un corps d'homme de 30 ans. Et bon, c'est d'autres mouvements, c'est d'autres gestes. Il ne faudrait pas vivre, je crois, dans un espoir continu, parce que ça confinerait à une certaine bêtise aussi, je crois. Il faut aussi... je crois qu'à certains moments, il faut être persuadé aussi qu'on va crever, quoi. Chapitre 10, 1990. Guillaume Dustan. En janvier, j'ai fait le test. Comme d'habitude, tous les 3 mois. Positif. Mes jambes se sont dérobées sous moi quand le mec du labo m'a annoncé le résultat. J'espérais une erreur, mais il n'y en avait pas. J'ai pensé, ça y est, maintenant je suis comme les autres. En me souvenant de mon explosion de culpabilité quand Pierre, un des ex de Quentin, s'était coupé le pouce dans la cuisine, il y avait plein de sang et j'avais eu tellement peur que j'avais fui. Quentin n'a rien dit quand je lui ai annoncé la nouvelle. Le soir, il s'est branlé couché sur le dos comme si je n'existais pas. Puis il s'est essuyé et il a fini son pétard. Je lui en ai demandé un peu, il me l'a passé. Je sentais que je n'avais pas intérêt à le toucher si je ne voulais pas qu'il me jette. C'était quand Pierre était devenu séropo que Quentin l'avait largué. Il y a sur Instagram un compte qui s'appelle AIDS Memorial, donc commémoration du sida. Elisabeth Lébrun. En fait, ce sont des gens qui postent des photos de leurs amis, amants, frères, sœurs, pères, mères, enfin, morts du sida, avec des petites biographies. Et ces petites biographies sont très touchantes parce que c'est bon, ce que ces personnes ont fait, ce que ces amants ont fait, et puis comment ils sont morts. C'est assez fascinant. Moi, tous les matins, je regarde et je pleure. C'est incroyable. Tous les jours, c'est la litanie des hommes, surtout des hommes, qui sont danseurs et qui sont morts du sida entre 83 et 84. C'est vrai que là, on voit que s'il y a un milieu, vraiment un milieu entre... On parle toujours de milieu affecté par le sida, il y a la danse. Quand la création raconte le sida, corps souffrant, corps combattant, Didier Rodbétony, Nathalie Battus. C'est d'une obscurité et d'une inutilité merveilleusement rassurante. Ceux qui vont mourir te remercient. Tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas bien, vraiment. De nouvelles lésions. Ma jambe me fait mal. J'ai de la protéine dans mon urine, c'est ce que dit le docteur. Je ne sais pas ce que ça présage, cette saloperie, mais cette protéine n'a rien à faire là. J'ai le cul gercé par la diarrhée. Et hier, j'ai chié du sang. Ça ne me plaît pas du tout, tu ne me dis rien. Ça te bouleverse trop. Je me retrouve à te consoler. Alors, c'est plus simple. Oh, merci. Si c'est grave, je te le dirai. Chier du sang, ça m'a l'air grave. Et je te le dis ? Et je tiens le coup. Je tiens le coup ! Bravo, Louis ! Tu es élu héros du mois ! Une question qu'on m'avait énormément posée au moment où je défendais la pièce auprès des directeurs de théâtre, c'était vraiment, on m'a dit et redit, le sida s'est dépassé, maintenant on en guérit, donc pourquoi vouloir monter ça ? Aurélie Van Dendal. On m'a vraiment dit presque tel quel, c'est ringard, en plus c'est une pièce américaine. Il y avait vraiment cette idée de c'est dépassé. Bon, allez, je ne reste pas. C'est quoi ton autre toilette ? Fabergé. Oh ! Très camionneuse, très lycéen hétéro. Donc la création, elle a eu lieu il y a 2 ans, mais sûrement aujourd'hui, c'est pas pareil, parce qu'il y a eu 120 battements par minute, et puis le livre d'Elisabeth Lebovici, il y a eu quand même un nouvel élan. Mais il y a 2 ans, c'était vraiment comme un peu une hérésie de monter ça. D'abord, il y a les images dans les journaux. Ces images de corps souffrants, de corps jeunes déjà vieux, de corps mourants, de corps presque déjà morts, de corps martyrs repris dans les publicités Benetton de ces premières années de la maladie, ces années où l'on sait si peu de choses, sinon que c'est inéluctable. Le sida, d'abord, aux yeux du plus grand nombre, c'est cela. Sans doute ces images de malades, comme autant de victimes, étaient-elles alors nécessaires ? Sans doute, comme celles à la télévision des premiers morts célèbres, au premier rang desquels l'acteur américain Rock Hudson, ces images ont-elles été utiles à une prise de conscience de ce qui se jouait alors ? Très vite cependant, pour les séropositifs, pour les malades du sida, pour leurs communautés et leurs proches, pour celles et ceux qui se mobilisent autour d'eux, ces images compassionnelles se révèlent insuffisantes et plus encore, insatisfaisantes. Il appartiendra aux artistes les plus engagés, personnellement et politiquement, dans la lutte contre le sida, d'en proposer d'autres, alternatives, offrant à voir d'autres réalités des séropositifs et des malades, et des images montrant des corps ne souffrant plus en silence, mais se dressant, s'affirmant, se battant. Des corps jamais résignés. L'énergie inlassable des corps dessinés par Keith Haring. La majesté du visage de Robert Mapplethorpe dans ses derniers autoportraits. La réinvention des corps par les chorégraphes de Dominique Baguet à Bill T. Jones. La symbolisation de ces corps malades du côté de l'art contemporain ou du cinéma expérimental. Historienne de l'art et activiste de la lutte contre le sida, Elisabeth Lebovici a publié en 2017 « Ce que le sida m'a fait », brillant essai très personnel dans lequel elle évoque la manière dont différents artistes se sont emparés de ces questions et ont fait du sida le cœur et le corps de leurs œuvres. L'idée du sida comme épidémie de la représentation, évidemment, c'est, je ne suis pas assez intelligente pour formuler un truc comme ça, il a fallu que je le lise quelque part, et ça a été la révélation pour moi de ce numéro double de October, je crois que c'est le numéro 43 si je me souviens bien, 87, c'est très tôt, qui tout d'un coup théorise cette question de l'épidémie de la représentation, c'est-à-dire le fait qu'effectivement le sida n'a pas de représentation. Le sida n'est connu qu'à travers la stigmatisation, le sida n'est connu qu'à travers des figurations de victimes consentantes, on pourrait bien dire, dans leur rôle de victime. Et c'est cette transformation en approche politique et presque, on pourrait dire, figurative, corporelle de la maladie que ce numéro double d'October va nous mener. Finalement, j'apprends sur le sida par une revue de théorie de l'art, plus qu'à la consultation de ces images grand public qui circulent. Et que finalement, je ne connais pas bien, que je fais mine en tout cas d'ignorer, parce que c'est insupportable de les coller ou de les faire correspondre à la réalité qui est autour de moi et qui est celle de ma famille, de ma communauté séropositive et malade. James Ford, Alistair Butler, Andrew Castro, Eddie Jones, Jim Nelson and Sam Wagstaff, on and on and on. Now, the years have passed. Je suis passé par l'expérience directe, par la connaissance de l'expérience de la maladie du point de vue de mes amis. Et aussi par le fait que ni mes amis ni moi-même n'avions finalement de représentation à notre disposition. He will forever and always be a part of me. For sacred is the night filled with true love. Comment est-ce qu'on regarde ces images avec la distance? On les regarde exactement comme des documents historiques, c'est-à-dire qu'elles documentent un moment de la réaction à la maladie. Elles documentent un moment où les médias, où la presse, où les institutions, finalement, vont effectivement choisir des modes de représentation pour produire des émotions chez ceux qui les regardent. Ces émotions, elles sont assez contradictoires, parce qu'il y a d'une part la compassion, la pitié, mais il y a aussi quelque chose qui est très difficile à comprendre à l'époque, c'est la peur, c'est l'horreur, c'est la panique, et c'est aussi donc un des vecteurs de transmission du sida. Hein, on sait que finalement, la panique et la peur sociale, et la peur de la maladie, la peur de l'épidémie, qui vont se développer à partir de ces seules représentations qu'on propose, ça va produire ce sentiment de panique qui va enlever toute possibilité de représentation. L'invisibilité, c'est évidemment passer au stade du non-visible. C'est par cette panique que les corps séropositifs et malades sont éliminés, sont littéralement éliminés. L'acteur américain Rock Hudson est mort hier à Los Angeles des suites du sida. Il avait 59 ans. Rock Hudson était en voie de guérison, mais les conséquences du sida sur son organisme ont été fatales. Rock Hudson, en parlant publiquement du mal dont il souffrait, a sans doute permis aux Américains et au monde entier peut-être de réagir un peu plus face au sida. Ces images-là, si j'arrive à me projeter à nouveau à cette époque, ont été des vecteurs très forts pour que des collectifs, des communautés et aussi des artistes, des graphistes, des écrivaines et des écrivains, des activistes, se mettent ensemble pour produire des images qui vont être des images de lutte contre le sida. Robert was dying from AIDS. We did the best that we could during this time. Robert slowly died here. Although he didn't die here, he died in Boston on March 9, 1989. Oui, parce que Reagan et Bush ont tué tous mes amis avec le sida, le complot du silence. And I lost my 12 best friends. Et j'ai perdu mes 12 meilleurs amis. All the people in my first book, the toutes les, les personnes qui étaient dans mon premier livre ont disparu. Almost all of them are either dead or they're HIV positive. Soit morts, soit séropositifs maintenant. Which is a livable disease but difficult. On peut vivre avec cette maladie, mais c'est difficile. Les portraits de malades qu'on peut effectivement voir dans la grande presse, et évidemment l'image à laquelle je pense le plus, c'est l'image utilisée par Benetton de ce jeune homme émacié comme un Christ mourant dans les bras de ses parents, etc. D'abord, ça donne une idée quand même assez fausse des fins de vie des malades dont les parents sont très peu souvent là, c'est le moins qu'on puisse dire. On a tous assisté à des moments où, effectivement, les parents étaient si absents pendant la vie des malades. These kind of religions that I like paganism, Santeria, bien. These kind of religions that are religions based on superstition qui and sont spirits, basées sur des superstitions, sur les esprits. You're thinking about dans ces religions, somebody, tant qu'on pense à quelqu'un, ils ne peuvent pas disparaître. The ghost is still there. Le fantôme so, de ces personnes as est toujours présent. My pictures are in museums, donc, tant que mes photos sont dans mes musées, mes amis sont toujours là. Les photographies de Nan Goldin, c'est une autre expérience. C'est une expérience c'est l'expérience de quelqu'un qui se photographie avec son monde, qui photographie sa famille choisie, sa communauté, et qui photographie ce moment où l'épidémie du sida va toucher cette communauté, va toucher l'artiste. Donc elle va, je pense à trois photographies de Nat Goldin qui sont assez incroyables. Bon, la première, c'est celle de d'une amie trans qui s'appelle Greer Langton, qui est une artiste. Je n'ai jamais su comment elle a pris cette photographie, mais Greer est un fantôme sur la photographie. C'est une espèce de personnage exsangue, blanchâtre, qui est entouré d'un halo. Elle est assise dans une sorte de... Je ne sais pas où elle est assise. Il y a un mur à brun derrière, et on voit la disparition à l'œuvre. Toujours aussi belle, mais on voit la disparition à l'œuvre. C'est une photographie juste incroyable. Alors, je pense évidemment aussi aux photographies que Nan Goldin fait de son ami Cookie Muller, que je connaissais bien, puisque j'ai habité New York, je connaissais Cookie, c'était une idole à moi, c'était une poète, une star, un modèle, enfin une sorte de petite star dans notre monde, qui répondait à des petites annonces sous le nom de Dr. Cookie. Et donc Cookie enterre d'abord son mari, qui meurt du sida. Elle va mourir du sida peu après, et donc Nan Goldin a pris la décision de la photographier vivante, mais aussi de la photographier morte, dans une espèce de mise en scène. Alors là, complètement, les tons de la photographie, c'est des rouges sombres, c'est des violets, c'est des marrons, c'est quelque chose d'extraordinairement, qui enrobe finalement la photographie, qui la rend, qui en fait une sorte de princesse, quoi. Une photographie de princesse qui n'est plus, mais qui est encore présent dans tout son décor, dans toute sa luxuriance. Et je trouve ça un hommage absolument magnifique qu'elle fait à Cookie, qui à la fois représente le deuil, mais qui aussi essaye de fixer cette image magnifique pour l'avenir. Et puis, il y a une série de dernières photos qui représentent donc le galeriste français, qui était son galeriste, qu'on connaissait bien, Gilles Duzin, en train de mourir à l'hôpital avec son amant, Gaucho, à côté de lui. Et il y a cette photographie assez démentielle du bras de Gilles, complètement maigre. Bon, ce sont des images, là aussi, et qui peuvent choquer, qui sont extraordinairement choquantes, mais Nan, c'est pas un photographe qui arrive et qui va faire une photo de quelqu'un en train de mourir. C'est l'amitié qu'elle photographie, c'est la disparition de quelqu'un qui lui est extraordinairement cher, qu'elle est en train de photographier, et j'ai l'impression quand même qu'elle nous met dans cette intimité-là, qu'elle nous met dans la position, donc elle nous met pas dans la position d'être face à un mort ou un malade, elle nous met dans la position d'être avec un mort ou un malade, avec, c'est-à-dire dans l'amitié, dans la proximité, elle nous met chez elle, quoi. Et ces photographies, évidemment, à l'époque, m'ont bouleversée. Créée en 1991, la pièce Angels in America de Tony Kushner est un des textes majeurs de l'écriture sur le sida. Deux figures de malades s'y font face, dans l'Amérique des années Reagan. Prior, jeune homosexuel que le sida plonge dans une crise mystique, et le célèbre avocat Roy Cohn, ancien adjoint du sénateur McCarthy, aussi obsessionnellement anticommuniste qu'homophobe. Cette fresque lyrique et puissante de près de 7 heures a été adaptée en mini-série télévisée par Mike Nichols avec Al Pacino dans le rôle de Roy Cohn et a été reprise en France depuis 2015 par la metteur en scène Aurélie Vandendel. I'm not a drug addict. Come on, Roy. What? Come on, Roy, what? You think I'm a junkie, Henry? Do you see tracks? This is absurd. So say it. Say what? Come on! Why are you doing this, Roy? No, I mean it. Say it. Say, Roy Cohn, you are a homosexual. And I will proceed systematically to destroy your reputation. Roy Cohn, you are... Roy Cohn, tu as eu des relations sexuelles avec des hommes et à de nombreuses reprises, Roy, et l'un d'eux ou même plusieurs t'ont rendu très malade. Has made you very sick. You have AIDS. AIDS. Tu as le sida. You know, your problem, Henry, is that you are hung up on words. Roy Cohn is not a homosexual. Roy Cohn, n'est pas un homosexuel. Roy Cohn est un hétérosexuel qui s'envoie en l'air avec des mecs. D'accord, Roy. Bon, alors, quel est le diagnostic, Henry? Tu as le sida, Roy. Non. You have AIDS, Roy. No. Henry, no. AIDS is what homosexuals... Le sida, c'est ce que les homosexuels ont. I have... Moi, j'ai le cancer du foie. À l'hôpital de Bethesda, on expérimente un nouveau médicament, l'AZT, mais il y a une liste d'attente de 2 ans sur laquelle je ne peux même pas t'inscrire. Alors saute sur le téléphone, Roy, compose le numéro et dis à la première dame qu'il faut absolument qu'on t'accepte pour expérimenter le nouveau traitement contre le cancer du foie. Parce que tu peux bien appeler ça comme tu voudras, Roy, mais tout ça se résume à une seule chose. C'est une très mauvaise nouvelle. Cette scène-là, par exemple, quand il va dire « Non, moi, j'ai pas le sida et je suis pas un homosexuel, je suis un hétérosexuel qui couche avec des mecs », c'est vrai qu'elle est magistrale dans la série. Et Al Pacino, on sent qu'il y a une sorte de jouissance aussi, de pouvoir. Donc ça a été une inspiration forte. Il arrive, il est chemise ouverte pour montrer aussi des parties de corps. Ça, c'est vrai que ça a été des inspirations. Après, on a vraiment voulu, avec Antoine Cobé, s'en détacher. En plus, c'est vrai qu'Antoine, c'est un acteur très magistral. On ne peut pas le faire paraître amaigri. Enfin, c'est extrêmement difficile parce qu'il a une stature extrêmement importante. Et donc, c'était aussi de se dire... Comment lui peut construire quelque chose avec ce physique-là? Donc ça va plutôt être quelque chose qui va se voûter, qui va se déconstruire un peu par rapport aussi à une attitude sociale, à des postures qu'il peut avoir. Mais je crois que le réalisme, en tout cas de la série, je le voulais pas au théâtre. Donc en ça, on s'est un peu constitué en contre. 10e étage est. Je suis couvert de spooge. Spooge? Sperme, foutre, jute. J'ai fait un rêve mouillé. Ah ah, ça devait arriver, tu as été abstinent à l'excès. A lot of spooge. C'était une femme. Une femme? Pas une femme conventionnelle. Grace Jones? Allô? Un ange? Wow, fabulous. Je suis lascif, viens. J'ai passé toute la journée avec toi, j'ai une vie à moi aussi, tu sais. Je suis triste. Je croyais que tu étais lascif. Lascivement triste. Merveilleux et horrible à la fois, comme si il y avait une guerre à l'intérieur de moi. Mes yeux me jouent des tours. Je pleure. Il fallait qu'on soit actif. Il fallait que le spectacle soit... Enfin, militant. En tout cas, il fallait que le spectacle soit engagé, là où peut-être l'œuvre de Kouchner, elle est pas tant que ça. Vous êtes l'infirmier de garde. Sans aller dans des clichés. Il fallait qu'on définisse les personnages de manière forte. Et on va dire, le premier vecteur au théâtre, c'est quand même le corps. C'est comment le corps, lui, peut rester chaud, peut rester en action, en mouvement. Je crois que Kouchner écrit aussi beaucoup le désir. Il écrit ça, c'est aussi très précis, les érections, les... Voilà, l'espèce de pulsion comme ça sexuelle qui anime et qui me priore. Il me semblait que ça, c'était vraiment que le désir aussi, c'est la vie, et que quelqu'un qui désire pas, voilà, c'est quelqu'un qui va mourir petit à petit. Le personnage de Prior, qui d'ailleurs est l'acteur qui a milité chez ACT UP, en tout cas, je crois que lui aussi a amené ça. Par exemple, pour affronter certaines scènes qui sont quand même très très difficiles à 10h du matin sur un plateau quasiment vide, sans trop de lumière, et ben lui, en fait, il se chauffait. Il faisait vraiment des tours de plateau. Il avait une manière bien à lui, assez organique et ouais, je dirais performative, de se mettre en jeu. Et puis tout d'un coup, il attaquait comme ça. Donc ça donnait un truc très haletant, très chaud, en fait très, très fort. Et qui contrastait aussi avec la scénographie. Voilà, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, elle est froide, c'est des néons, il y a quelque chose de l'hôpital, du lieu public. Et du coup, c'était de se dire aussi, dans cet univers-là, comment les corps peuvent rester actifs. En tout cas, voilà, il y avait vraiment ça. I want a dyke for president. I want a dyke for president. I want a person with AIDS for president. And I want a fag. I want a person with AIDS for president. And I want someone with no health insurance. And I want a fag for vice president. And I want someone who grew up in a place. And I want someone with no health insurance. And I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that had an abortion at 16. That they didn't have a choice. And I want a candidate who isn't the lesser of two evils. I want a president that had an abortion at 16. Lost their last lever to AIDS. And I want a candidate who isn't the lesser of two evils. And I want a president who lost their last lover to AIDS, who still sees that in their eyes every time they lay down to rest, who held their lover in their arms and knew they were dying. Ce moment du milieu des années 80 est un moment où la question du jeu est primordiale. La question de l'implication des artistes dans leur travail est un moment tout à fait crucial aussi. Et effectivement, on voit bien comment le fait d'être malade, de prendre la parole, de dire « je » par rapport à la maladie et dans son rapport avec le monde médical, l'hôpital, les médecins, etc. Cette parole des malades qui devient prépondérante dans les congrès, dans le travail qui est fait, dans le rapport avec le médecin, dans la vie quotidienne finalement, cette prise de parole est certainement à mettre en rapport avec l'autofiction d'une part et de l'autre avec ce développement effectivement d'un jeu de l'artiste qui est un jeu des faits, qui est un jeu décomposé, qui est un jeu aussi pluriel, un jeu où la communauté intervient et ce qui se passe dans la communauté intervient. C'est le cas de Marc Morisseau. Et j'ai surtout été frappée par le travail que faisait Morisseau dans ce lieu fantasmatique qu'est la chambre noire. C'est pas pour rien finalement que backroom, darkroom, hein, on n'est vraiment pas loin. Donc j'ai essayé de comprendre comment dans le travail qu'il faisait subir matériellement à la photographie et matériellement aussi à ses modèles, parce que c'était quand même quelqu'un, donc c'était un personnage dans la vie de Boston des années, fin des années 70, début des années 80, c'est vraiment une sorte de mini-star dans sa propre factory, une factory beaucoup plus punk et beaucoup plus délictueuse que celle de Warhol probablement. Times are lean, pretty baby. Et donc, Marc Morisseau, son premier souci, c'était de mettre absolument tout le monde à poil et de les photographier. Et après, utilisant des processus, alors soit le Polaroid, soit des doubles négatifs qu'on appelle des tirages sandwich, il manipule complètement les photographies, il les rend... il les rend à la fois fantomatiques, il les rend tout d'un coup comme des expériences affectives, tout à fait extraordinaires et fantasmatiques, tout à fait extraordinaires. On peut dire peut-être que Marc Morisseau, il fait à la photographie un travail que des écrivains font avec la littérature, l'autofiction, c'est-à-dire effectivement jouer, complètement jouer, s'en foutre complètement du rapport qui pourrait exister entre sa réalité et sa fiction. Autofiction, c'est pas seulement s'inscrire dans le réel, c'est aussi l'inscrire dans sa fiction. Hein. Et donc là, il y a quelque chose effectivement à retrouver dans les photographies de Morisseau. We keep treasure any king would count as dear. Alors Morisseau n'est pas un militant, hein. Il est mort en 89. Comment il va lui-même alors? Une fois de plus, utiliser sa maladie comme outil. Effectivement, il y a ces photographies qui sont inouïes, c'est-à-dire qu'il prend ses radiographies, les radiographies de ses poumons par exemple, et il en fait bing des photos. Il prend, il transforme la petite salle d'eau de son hôpital en labo. Il prend les radiographies de ses dents et hop, il en fait des images. Ça, c'est la suite de Warhol, c'est quelque chose, c'est-à-dire que le monde est là pour être enregistré, sérigraphié, pour devenir un monde d'images. Mais ça, pour moi, c'est effectivement, tout d'un coup, impliquer le corps, littéralement, le corps médical, on pourrait dire, le corps médicalisé comme instrument de lutte, de subversion, et surtout comme instrument de production d'images. Et tout d'un coup, ces représentations-là, qui vont envahir, justement, le corps des représentations victimaires. Tout d'un coup, c'est tout à fait une autre façon de mettre le corps en action. Et effectivement, la question de l'action, de la réalisation, de la performativité, est quelque chose qui se manifeste à la fois dans le travail des artistes de la fin des années 80 et dans le travail des activistes politiques qui vont utiliser ce qu'ils ont autour d'elles et eux. Brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother. Every day. I strive to appear strong and silent. I learn to ingest hatred at a geometric rate and to count silently to 10, 10,000, 10,000,000. But as I've learned to mute my cries of anguish, so have I learned to squelch my exclamations of joy. What remains is the rap. Ils ont pris à bras le corps à la fois l'art conceptuel. Alors c'est bizarre de dire prendre, qu'est-ce que ça veut dire prendre l'art conceptuel à bras le corps? Ben oui, l'art conceptuel c'est aussi des propositions performatives. Quand quelqu'un dit une phrase et que cette phrase devient une œuvre, hein, que cette phrase produit une œuvre, que cette phrase peut être réalisée en œuvre ou pas, ben, qu'est-ce que c'est? Sinon, mettre en relief la performativité d'un discours. Et ça c'est quelque chose qui va faire de l'effet. Là, c'est une suite de cet art aussi qui consiste donc à puiser dans le corps de toutes les images existantes, dans les médias, dans les catalogues, dans les reproductions, de puiser dans la télévision, puiser toutes ces images pour les retourner, pour les enverser, pour en déconstruire la machinerie et pour finalement les utiliser au profit de la lutte contre le sida. Ça, c'est une chose qui m'a absolument, enfin, ça m'a beaucoup bouleversée, ça, de voir que, ben, tout d'un coup, effectivement, l'art et les artistes contemporains, ça sert. It changed for me also images I had from other people. Ce qui a changé, c'est l'image que j'avais d'autres gens. The autoportrait d'Hervé Guibert. J'ai vu l'autoportrait d'Hervé Guibert. Raymond Hogg. Going to the water, and also nu allant vers l'eau. Through AIDS, bodies changed very much. Avec le SIDA, les corps changeaient some beaucoup. Some people also you saw another beauty also in very ill. On pouvait voir une autre beauté chez eux. And I saw one dancer, Michael Matthews. J'ai vu. And it was one of the most beautiful person I saw on stage. La plus belle personne que j'ai vue sur scène. Il revenait juste de l'hôpital. Et une semaine après la représentation, il est mort. Incredible beauty. Il avait une beauté incroyable. And, when you see this, you maybe allow yourself also to present yourself. Quand vous voyez cela, vous vous permettez de vous montrer et vous avez moins peur de montrer. And also first, people were very shy to present their bodies. Also, people with AIDS. D'abord, les gens étaient très timides de montrer leur corps. They didn't want to go out anymore. Les malades du SIDA étaient très timides. Ils ne voulaient plus sortir. Some people went out, and it's important to go. Certains sont sortis, et c'était important de sortir. To show the body, also when the body is ill. De montrer son corps, même quand le corps est malade. And some people looked for me very, very beautiful. Et pour moi, ces personnes-là, certaines de ces personnes me paraissaient très belles juste avant de mourir. Les formes de corps qui s'inventent avec la danse dans les années 90, c'est à la fois l'effet d'une volonté de transmission, mais aussi une volonté de queeriser un peu la transmission. Et Raymond Hogg, pour moi, c'est ça. C'est je queerise mon expérience, et dans le retour à des grands moments où la danse s'est transformée, comme par exemple l'expérience de la Judson Dance Theater, ou le travail qui est fait avec Anna Alperin, qui a créé elle-même des ateliers où elle prend en charge, enfin se prennent en charge plutôt corporellement, des personnes vivant avec le sida. Donc toutes ces expériences-là se mettent à refonctionner finalement pour essayer d'indiquer des nouvelles possibilités de corps. Et des possibilités de corps qui sont des possibilités de corps vivant avec le sida et pas mort du sida. If you promise me you'll be my man, if you promise me you'll be my man. Pour moi, parler de Buffard et du sida, c'est une chose un peu, ou plutôt de Buffard dans son rapport au sida, c'est une chose un peu délicate, parce que dans le travail, Alain ne parlait pas du sida, ne parlait pas de la maladie. Olivier Normand, danseur et comédien. Donc j'ai dansé Mauvais Genre cette année, donc 4 ans après le décès d'Alain. Et je crois même, pour en parler avec certains danseurs qui avaient dansé Mauvais Genre du vivant d'Alain, donc sous sa direction d'une certaine manière, je crois, d'après ce qu'ils disaient eux, qu'Alain ne parlait pas de la maladie ou du sida. Même dans cette pièce qui pourtant ne parle que de ça, mais en tout cas dans laquelle les signes sont extrêmement massivement, monumentalement présents, avec toutes ces boîtes de médicaments. Donc il y a une séquence comme ça où on a chaque interprète doit porter je crois 80, on a un assemblage comme ça de chacun de 80 boîtes de rétrovie qu'il s'agit de porter en évitant qu'il se casse la gueule. Et ce qu'il y a de très singulier, je crois, dans le fait de danser cette pièce, c'était que la question de la maladie était là, de fait, mais de manière un peu incidente. Enfin, de manière, c'est-à-dire que nous, quand on est dans la pièce, quand on est en train de faire ce qu'on doit faire, on est surtout occupé à veiller à ce que les 80 boîtes qu'on a dans les bras ne se cassent pas trop vite la gueule pour qu'on puisse arriver jusqu'à la fin de la musique et exécuter la partition correctement. Je pense qu'à aucun moment, dans le moment où on le fait, on est en train de se dire oh, « Mon Dieu, on est en train d'incarner cette vitalité désespérée qui est étouffe le camp et on essaye d'eux. » Ça, c'est pas notre boulot. En revanche, il y a une autre séquence de la pièce qu'on appelle la séquence des slips, où donc on est en ligne, nu, en fond de scène, et on a à nos pieds une dizaine, une douzaine, je sais plus, de slips blancs, de slips kangourous. Et une séquence qui est assez rigoureusement écrite, où on doit lentement se pencher, donc le mouvement est amené par la tête, comme ça, ramasser à nos pieds un premier slip blanc, et puis mettre un premier slip, remonter le slip, l'enfiler, le réajuster autour des hanches, redresser le buste. J'ai le souvenir, je vois un peu mes jambes un peu maigrichonnes, un peu fébriles, parce que bon, on a quand même un peu de trac, donc il y a ce moment, espèce de petit moment à la fois précaire et très banal, on lève une jambe, on passe la première jambe du slip, il y a ce moment de déséquilibre, on se dit, faut quand même pas que je tombe, c'est des choses tout à fait ordinaires, et en même temps qui, du fait de la scène, deviennent des petits moments d'héroïsme. Et puis voilà, il y a ce moment de précarité, de faiblesse dans le passage du slip des pieds. Et puis on se redresse, et donc là, il y a une espèce de vigueur retrouvée, où là, le corps se redresse. Et puis il y a ce geste un peu bravage de faire claquer l'élastique autour des hanches. Et puis à nouveau, on repenche, on reploie vers le sol, on récupère un deuxième slip à nouveau. Et vraiment, moi, dans mon expérience de cette séquence-là de la pièce, c'est un genre de cycle de dégénérescence et de renaissance, ou de faiblesse et de réaffirmation de la vitalité. Mais tout ça au cours d'une action qui est extrêmement banale, qui est extrêmement simple. Pour autant, j'ai l'impression que, presque l'air de rien, que ces significations-là sont portées. Mais ouais, je dirais à la surface du geste, quoi, à la surface de l'action, sans s'appesantir. Impatient youths of the sun, burning with many colors, flick combs through hair in bathroom mirrors. Fucking with fusion and fashion. En 1993, avec Philadelphia, Hollywood se décide enfin à offrir en pâture au grand public le corps d'un malade incarné par une star, Tom Hanks, dévoilant en plein tribunal son torse marqué par le sarcome de Kaposi. Cela fait déjà plusieurs années que des cinéastes plus marginaux, plus expérimentaux, plus radicaux ont pour leur part dépassé cette simple problématique de la représentation pour ouvrir sur d'autres horizons. C'est le cas notamment de Derek Jarman. Ce champ du cinéma expérimental, qu'est-ce qu'il invente? C'est vrai que on ne peut noter que le défaut du cinéma mainstream à représenter le sida et de l'expérimentation qui, au contraire, se manifeste dans le cinéma expérimental, dans l'installation, bon, comme le Blue de Derek Jarman, qui est quand même... Alors là aussi, ce qui est extraordinaire avec le Blue de Derek Jarman, c'est la possibilité juste avoir un champ de bleu pendant des heures à pouvoir inventer des récits, des scénarios, des façons de réagir à ce bleu qui sont multiples. Et puis, effectivement, cette absence de représentation qui est donnée à voir, là, tout d'un coup, et qui permet, bien sûr, de nous-mêmes, de nous faire notre cinéma. You know, I was in my hospital room the other morning, and suddenly, looking at it, it struck me. I thought, this room is beautiful. The walls of the room are blue, and there's a window, and through the window the sky is blue. So the color of the sky matches the color of the walls. It's very, very tasteful. Alors moi, je suis né dans les années 70, donc j'avais 24 ans quand Jarman est mort, et j'avais 18 ans quand on commençait à bien s'amuser. Bruno Gélin, metteur en scène. Donc cette question-là, elle était centrale. Il y avait évidemment des gens autour de nous qui disparaissaient brutalement, puisqu'on pouvait être emporté en quelques mois. Il y a eu une génération d'artistes auxquels on s'est attaché aussi vite qu'on a dû voir disparaître et essayer de faire une sorte de deuil impossible. Et en même temps, il y avait cette idée d'être tous dans une sorte de train lancé à très très grande vitesse, et que il fallait profiter du jour, hein, parce que le lendemain pouvait ne pas exister. Les boîtes de nuit étaient aussi remplies de gens qui étaient suivis la journée dans les hostos, et puis le soir on les retrouvait en boîte de nuit à prendre toutes sortes de substances, alors que la raison on a voulu qu'il soit un peu sage, mais il y avait cette idée là de vivre chaque minute avec une intensité folle. Et je pense que les artistes, chez les artistes aussi, enfin, quand on voit Guibert, c'est quand même hallucinant comment en aussi peu de temps il a pu écrire une œuvre en fait aussi aboutie, aussi cohérente. Alors le sida, c'était une malédiction, mais c'est vrai que ça forçait un peu le rapport au temps. Il fallait très vite faire les choses, créer les choses, écrire, tourner, baiser, vivre, se droguer, danser, parce qu'effectivement il y avait pas du tout l'idée que le soleil pouvait se lever le lendemain, quoi. Come fall, bloom her eyes blue, de performance. Parce que c'est à la fois un corps triomphant, si tu veux, en tout cas c'est un corps magnifié, mais c'est aussi un rapport à la dérision, c'est-à-dire toute la sensualité qui émane, elle est quasiment balayée par une forme de dérision, je dirais pas jusqu'au ridicule, mais en tout cas on peut aussi se rire du corps et aussi des beaux corps. Ouais, c'est une forme de résistance. L'idée dans Chroma, c'était vraiment d'une sorte d'autoportrait mental. Enfin, il y avait l'idée d'une... On ne sait pas très bien d'où surgit la parole, mais il y a cette idée qu'on est en attente, qu'on est dans une antichambre entre deux mondes. Alors sans doute celui des vivants et puis celui qui va arriver. Le corps d'un malade du sida. Alors, je dirais que c'est un petit peu ambigu, c'est-à-dire qu'il y a un endroit, je crois, de déni. Je suis pas sûr que ce soit une question qu'on se pose vraiment, que je me sois vraiment posé au moment de travailler donc sur cette pièce Chroma, sur le personnage de Derek Jarman. Peut-être aussi parce que moi, à la base, je ne suis pas comédien et que donc j'ai intégré le projet avec aussi sans doute une part de mauvaise foi en disant je suis pas comédien, je vais danser et puis éventuellement si vous me donnez un texte peut-être que je pourrais le dire, mais à aucun moment disons très tard dans le processus je me suis posé la question du personnage, de l'incarnation, et je pense que ça m'aurait même assez paniquer, de me dire oh, il faut que j'incarne Jarman, il faut que je donne toutes ses couleurs et toute sa dimension à ce personnage-là, à cette personne-là. Enfin, après, je travaille moi à partir de mon corps et à partir des étrangetés, forces, faiblesses, défaillances de mon corps, de danseur, comédien, un peu approximatif. La question du corps, je me la pose pas puisque c'est le corps par défaut avec lequel je travaille qui est le mien. Et il faut qu'il suive de la manière dont moi j'ai envie d'aborder cette figure-là, dans la manière dont Jarman pour moi fait sens, dans la manière dont il me touche, dans la manière dont il me, dont je me sens dans une certaine mesure endetté par rapport à Jarman, ou en tout cas dans un désir de rétribution. curieusement, je sais pas comment le nommer autrement. J'ai toujours beaucoup aimé les films de Jarman, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont beaucoup aimé. Comment dire, je me suis senti très aimé par Jarman, par ses films. Je me suis senti très encouragé dans mon être. Et je crois que un des enjeux pour moi, comme interprète, dans ce projet Chroma, c'était d'essayer de rendre, d'essayer de rétribuer, d'essayer de... à Jarman. Alors c'est un peu abstrait de le dire comme ça, mais... Et peut-être d'une certaine manière aussi à une génération d'homosexuels qui sont mes aînés, à une génération de combattants face à la maladie, dans la lignée de laquelle moi je me situe, même disons fantasmatiquement, et de jouer dans cette pièce, d'incarner pour moi voilà, cette figure de Jarman, de porter cette question de la maladie et de la vitalité. Dans cette pièce, Chroma, c'était une manière de m'inscrire dans cette histoire-là, à la première personne. Bon, en travaillant sur Jarman, on ne peut pas passer à côté de cette dimension-là, cette forme de résistance et cette forme d'élégance dans la résistance. Elle est constitutive de toute son œuvre. Et presque, on peut parler d'une sorte de prémonition, parce que dans ses premiers films, il était... sans doute pas séropositif, ou en tout cas il n'en avait pas connaissance. Et pourtant il y avait déjà à l'œuvre ce rapport de bravade, de résistance absolue et politique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont tous martyrs, mais aucun n'est passif. À chaque fois, le sacrifice doit toujours apporter un éclairage de vérité. Et je trouve que Jarman, qui était l'un des premiers à déclarer publiquement sa séropositivité, en Angleterre en tout cas, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est concrétisé dans son obsession de figure héroïque et sacrifiée, et qui trouvait une réalité dans sa propre vie. Au moment où il a annoncé sa séropositivité jusqu'à la fin, il n'a eu de cesse d'utiliser sa notoriété pour pouvoir combattre les peurs, l'homophobie, les a priori. Voilà, donc victime, oui, mais jamais passif. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, New York. Big dreams. Big dreams. New York, my good love. Oh, my good love. Alors, il y a un troisième artiste que j'aimerais associer à cette histoire qui n'utilise pas l'image, qui est Félix Rosales-Torres, qui est peut-être... là aussi, quelqu'un dont le travail fait toujours complètement vibrer parce qu'il mobilise une autre façon de... produire le corps et la maladie. Alors, c'est très simple. Hein. Quand Félix González Torres fait produire le poids de son amant en bonbons, quand il invite les spectatrices et les spectateurs à devenir des actrices et des acteurs en prenant des bonbons, en les mangeant, c'est-à-dire en incorporant quelque chose du corps de son amant, mais aussi en faisant maigrir le tas de bonbons, tout d'un coup, on voit ce que c'est que le sida. On voit le corps qui se diminue, qui maigrit. On voit la capacité de notre corps à y répondre. Quand Félix González Torres fait des dessins de courbes qui, en l'occurrence, représentent sa charge virale et sont des courbes médicales, qu'il utilise comme, exactement comme Maurice Rowe utilisait la radiographie de ses poumons pour montrer exactement comment sa charge virale augmente, comment son corps faiblit. Bien sûr, on peut les lire comme des dessins complètement abstraits, et beaucoup de gens peuvent le faire. Et tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui s'articule entre l'abstraction et le corps. Des artistes comme Ronnie Horne, des artistes comme Félix González Torres réaffectent de la charge du sida et de tous ces affects autour du sida des formes qu'on pourrait appeler abstraites et minimales. Esta es la cámara, este soy yo. Este soy yo, esta es la cámara. Esta es la cámara, este soy yo. Este eres tú, este soy yo. Este soy yo, esta es la cámara. Ves la cámara, esta es la cámara. Este soy yo, este soy yo, esta es la cámara. González Torres, un jour, il est avec son amant Ross et il est dans un musée et il voit un truc magnifique. C'est magnifique, c'est juste une feuille d'or fin qui est sur un plancher. Il est ébloui par cette feuille, il dit, mais c'est ça, elle a compris, elle représente les corps. Elle est en train de représenter quelque chose de ce halo autour des corps qui faiblit parfois. Hein, mais qui est là toujours, c'est la vie. Donc il fait un texte absolument magnifique sur ce travail de Ronnie Horne, et vont ensuite se développer entre ces deux artistes une amitié qui est faite de cadeaux. C'est-à-dire qu'ils vont chacun se dédier des œuvres. À ce moment-là, Félix González Torres va faire un chant de bonbons dorés qu'il va dédier à Ronnie Horne. Ronnie va faire là encore une chose absolument magnifique, elle va coucher l'une sur l'autre deux feuilles d'or. Sans socle, sans rien, juste sur le plancher, comme ça. Là encore, il y a un rayonnement, mais incroyable. Et ces deux feuilles d'or, elle les identifie aux deux corps de Ross et de Félix. Ross est mort. Félix est en train de mourir. Ross est mort. Et tout d'un coup, là, il se passe quelque chose dans cet échange qui, pour moi, bien sûr, va bien au-delà de toutes les imageries dont nous parlions tout à l'heure, des corps entre un malade en train de mourir. Là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent et qui nous affectent, pas seulement sur le plan de la pitié ou de la compassion, bien au contraire, mais sur le plan de l'identification, et puis aussi de toute une aventure d'affects et de pensées qui peuvent nous arriver en tant que spectatrices et spectateurs, sans compter l'extraordinaire beauté de ces travaux. Je me suis projeté pour la première fois dans la lancée, juste après l'opération que j'avais filmée, cette bande où l'on m'ouvre la gorge au bistouri, où on me coupe un morceau de chair à l'intérieur et où on me recoue, sans anesthésie générale, sous adrénaline. J'ai réalisé en voyant le film ce qu'on m'avait fait pour de vrai. Cette lumière chaude, irréelle, bleue et sableuse à la fois, transforme ce qu'elle touche, à savoir le champ opératoire, ce trou dans la gorge où affluait et parfois débordait le sang par pulsation, en source de lumière incandescente qui censurait le sang. Il jette des rayons comme à partir d'un noyau radioactif qui est la blessure. Mais ce qui frappe à l'époque chez Hervé Guibert, c'est quand même ce lien qui fait très fort et qui est très violent entre le destin de l'homosexualité et la maladie. C'est ce qui nous frappe à l'époque, hein. Peut-être aujourd'hui, où je vois Guibert exposé partout, repris partout aux États-Unis, comme une sorte de nouveau Maurice Rowe d'un certain point de vue, je vois que les choses sont en train de changer par rapport à Guibert. C'est-à-dire que ce lien de causalité qu'il a fait à l'époque, on le voit moins et on voit plus ses productions comme des productions textuelles ou photographiques à réanalyser complètement. Et à voir comme tout à fait intéressante. Puis il y a effectivement La pudeur et l'impudeur qui est quand même un film qui laisse toujours sans voix. Quoi. C'est un film vraiment extraordinaire. Les zombies, quand vous toujours ? De temps en temps, le soir, quand je suis trop énervé pour dormir. J'ai demandé, comme on avait dit au psychiatre, ce qu'on faisait avec le Prozac. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il fallait que j'en prenne. Bon, ça fait 2 mois que j'en prends. Il m'a dit qu'il pensait qu'il fallait que j'en prenne moins 5-6 mois. For Fidia, For I find you the love of my life in somebody else's heart. Quand la création raconte le sida, corps souffrant, corps combattant, avec Elisabeth Lebovici, Aurélie Vandendal, Bruno Gélin, Olivier Normand. Avec des extraits de Hervé Guibert, La pudeur ou la pudeur, Guillaume Dustan, Dans ma chambre, Tony Kushner, Angels in America, Jack Walsh, Tribute to Robert Mapplethorpe, Zoé Leonard, I want a dyke for president, Félix González Torres, Love Droys Laycock, Marlon Riggs, Tongues Untied, Alain Buffard, Mauvais genre, Derek Jarman, Blue, Bruno Gélin, Chroma. Documentation INA, Marine Decamp, mixage Claire Levasseur, réalisation Nathalie Battus, un documentaire proposé par Didier Rodbétoni. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez ausculter les corps, bibliographie, liens, et puis nous podcaster pour l'hôpital ou nous réécouter en pleurant, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, troisième étape, traiter les traitements.